Eh bien, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet, dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Alors, lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique, aujourd'hui les coopératives, et plus précisément les épiceries coopératives. Une émission co-animée comme chaque mois avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. J'espère que tu es en forme. Super. Eh bien, très bien, bienvenue donc pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors, les épiceries et les supermarchés coopératifs sont nés en France il y a environ 6 ans. Alors, si leur impact économique s'avère encore négligeable, ils représentent un marqueur idéologique très fort à l'heure où la quête de sens et la remise en cause du système de la grande distribution prennent du poids. Alors, décryptage donc du phénomène au cours de cette émission de l'Instant Éco. Alors, avant, donc, on va tenter d'être le plus clair possible, Francine. Alors, lorsqu'on parle de coopératives, que faut-il entendre? Eh bien, Jérôme, les coopératives sont des entreprises privées centrées sur les personnes qui se distinguent des entreprises classiques selon trois critères. Alors, le premier critère, elles sont détenues et contrôlées par leurs membres appelés sociétaires qui ont décidé de la créer pour satisfaire un besoin qui peut être économique, social ou culturel, en sachant que chacun doit investir de l'argent pour obtenir des parts sociales. Ensuite, le deuxième critère, les coopératives sont gérées de manière démocratique et sur un pied d'égalité. En effet, quel que soit le montant investi, les décisions sont prises selon la règle suivante, un membre égale une voix. Chaque membre dispose donc du même droit de vote. Et enfin, elles ont un but non lucratif, elles peuvent faire des profits, mais ces derniers ne sont pas redistribués à des membres, mais réinvestis dans la coopérative. Eh bien, merci Francine pour ces précisions que nous allons donc détailler davantage avec notre invitée, donc Christelle Chevalet, qui est présidente de la Grande Épicerie Générale, donc à Nancy. Bonjour Christelle Chevalet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, car votre témoignage va nous permettre de mieux comprendre comment s'organise une épicerie coopérative. Alors, petit rappel, la Louve, c'est le premier supermarché collaboratif à avoir ouvert ses portes en France fin 2016 dans le 18e arrondissement à Paris, en s'inspirant donc du premier magasin de ce genre né à New York en 1973. Et aujourd'hui, c'est environ 60 magasins coopératifs alimentaires en France. Alors, Christelle Chevalet, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre épicerie coopérative ? Alors, notre épicerie coopérative s'appelle la Grande Épicerie Générale de Nancy. Nous avons démarré en mars 2016. Nous étions 7 adhérents à l'époque, puisque c'était une association. Et nous avons été assez rapidement 80 personnes. Et pendant un an et demi, on n'avait pas de local, on se réunissait dans les bars de la ville pour chercher des producteurs, chercher un local, chercher des logiciels et bien sûr des coopérateurs. Donc ensuite, on a trouvé un local juste à côté de Radio Fadjet, qui était rue Saint-Nicolas, mmh. où là, on avait un petit local qui nous a été loué par la ville, qui nous a bien soutenus. Et nous avons là testé vraiment nos fonctionnements. On était d'abord un groupement d'achat. On avait très peu de produits en vente qu'on vendait une fois par mois, puis une fois tous les 15 jours sur un mode de précommande. Et puis petit à petit, on a abandonné les précommandes et puis on a eu de plus en plus de produits en rayon et on est passé sur un mode qu'on a appelé libre service. Et puis, en 2020, on a eu la chance de trouver un local juste en sortie de confinement. Et nous avons déménagé rue du 20e Corps. Et nous sommes encore en mode de progression. Tous les mois, on rajoute des nouveaux produits en rayon. On a aujourd'hui environ 1500 produits dans les rayons. Et nous sommes 300 coopérateurs, dont environ 220 coopérateurs actifs. Je crois qu'on expliquera ensuite quelles sont les différentes tâches des coopérateurs. Tout à fait. Et donc, comme a pu dire Francine, chacun participe aux décisions à travers 2 à 3 assemblées générales par an. Et donc, toutes les grandes décisions sont prises en commun.

Mais il y a aussi des groupes de travail, il y a les assemblées générales. On organise très bientôt un forum ouvert. Donc, c'est important de comprendre que c'est pas seulement donner 3 heures toutes les 4 semaines et venir faire ses courses. C'est aussi un engagement citoyen. L'idée, je vais aller très loin, mais l'idée, c'est quand même un peu de changer notre société, quoi. Donc, faire ensemble et puis faire ce qu'on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire qu'on décide tous ensemble et on y met tout notre cœur et on essaye de trouver des compromis. Et c'est pas toujours simple. Et qu'est-ce que vous entendez par forum ouvert ? Alors un forum ouvert, donc on en organise un le 8 mai, c'est un outil qui est relativement magique parce que ce sont les coopérateurs qui arrivent le matin avec les sujets dont ils veulent débattre, donc on va les appeler des problèmes, voilà. Et puis les gens présents, donc on n'est pas obligé d'arriver avec un sujet, les gens présents vont dire ah bah tiens ça, ce que tu viens de proposer là, moi ça m'intéresse. Et donc ils vont aller se réunir à 5, 8, 10 pendant 45 minutes, hein, c'est timé, et pendant 45 minutes c'est un grand brainstorming et on y va d'essayer de trouver des solutions à ce problème bien précis. Et au bout de 45 minutes, on s'arrête et il y a des propositions qui émergent. Donc, pour ce jour-là du 8 mai, on va aborder 9 sujets différents avec un grand chapeau qui va être comment recruter des nouveaux coopérateurs. Et ensuite, en fonction de ce qui va sortir de cette journée de réflexion, mais qui va être aussi dans la convivialité, auberge espagnole le midi, etc. On a une assemblée générale quelques semaines plus après. Et en fonction de ce qui aura sorti du forum ouvert, on va proposer en assemblée générale et là on va faire voter pour peut-être changer des choses. Je ne sais pas que vous dire quoi, ça va dépendre de ce qui va sortir ce jour-là. Alors si nos auditeurs souhaitent effectivement découvrir la grande épicerie, je crois qu'il y aura prochainement donc une porte ouverte. Tout à fait, le 21 mai de 10h à 19h. Nous serons là, nombreux, pour vous accueillir, vous faire visiter le magasin. Il y aura sur le parking une vente de plans. Donc, ce sont des plans qui sont faits par l'association Racine Carrée, qui est une association nancéenne. Il y aura également une vente de glaces, des très bonnes glaces de Terra Delis, qui est une entreprise ardéchoise. Et ce jour-là, vous pourrez donc visiter le magasin et exceptionnellement, vraiment, je dis bien exceptionnellement, y faire vos courses, puisque normalement, il n'y a que les coopérateurs qui font leurs courses. Et là, vous pourrez venir découvrir le magasin et on vous en dira plus. Vraiment, venez nombreux. On va essayer d'en faire un moment convivial. Donc, on rappelle la date, le samedi 21 mai. De 10h à 19h. Et donc, la localisation de la grande épicerie, on va quand même la rappeler. Alors, c'est au 88 avenue du 20e corps. C'est très facile à trouver. Enfin, non, je vous explique. Comme ça sera très facile à trouver. C'est là où il y a le pôle emploi. Quasiment à 200 mètres de l'arrêt de tram des Cristalleries. Ça se trouve sur la droite, juste avant le pont qui va à Saint-Max. Si vous habitez Saint-Max, Essé, Tomblaine, tout le quartier Rive-de-Meurthe, c'est le magasin de proximité qui vous convient. Très bien. Merci Christelle Chevalet pour toutes ces précisions. On espère plein de succès à votre grande épicerie. Puis on ira effectivement découvrir donc le 21 mai prochain, donc lors des portes ouvertes, donc le fonctionnement de la grande épicerie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. Très bien. En espérant donc avoir éclairé au mieux les auditeurs donc sur cette nouvelle forme coopérative, n'hésitez pas à vous faire vos commentaires sur la page Facebook du Radio Fadjet et nous faire des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission. Eh bien, Francine, on se retrouve donc prochainement. Tout à fait, Jérôme. Parfait. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.